copie non conforme. Le deuxième titre de ce copie non conforme est une chanson de 1960, connue et interprétée par les Beatles sous le nom de Boys, et dont la version originale a été enregistrée par The Shearers. Copie non conforme. On reste en 1960 avec The Everly Brothers et leur Lonely Island, repris par les filles de The Secret Sisters en 2013. I'm living on a lonely island. La chanson Big Tears de Elvis Costello est parue en 1978. Elle a été reprise en espagnol par Sebastián Yatra en 2021. Copie non conforme. On termine cet épisode de Copie non conforme par un classique de 1972, Smoke on the Water de Deep Purple, avec une reprise très originale des Montpelliérains de The Emotional Bigoudi. Much time from there behind the mother, where I had the best place around. But some stupid with the flare gun burned the place to the ground. Smoke on the water, a fire in the sky. Oh, burn down the gambling house. It died with an awful sound. A funky girl quite running in and out. A falling kids on the ground. Wait until what's over. We have to find another place. But Swiss time was running out. It seemed that we would lose the race. Smoke on the water. In the sky. Smoke on the water. Smoke on the water. Smoke, smoke, smoke on the water. Thank you. vous a plu? Alors, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Copie non conforme. Salut !